Ndikobanyanga. Merci de rester branché sur nos ondes. Bienvenue à ce journal. Donc voici d'abord le sommaire. Les prix des cahiers sur le marché d'approvisionnement ont sensiblement grimpé selon les commerçants détaillants. Ils indiquent qu'une douzaine de cahiers de 100 feuilles qui s'achetaient l'année dernière à 28 000 francs chez les grossistes s'achètent actuellement à 35 000, vous l'entendrez. Les travaux d'aménagement des berges de la rivière Nahangwa près du pont de la République sur le boulevard Moïse-Guissabo ont été provisoirement suspendus et cela a fait suite au manque du carburant, selon le chef de chantier. Et dans la chronique santé de ce mardi, l'on revient sur le traitement de la variole du singe avec le dermatologue Pi Nibilanije qui rassure que la maladie guérit spontanément mais avertit toutefois qu'elle peut se compliquer à entraîner de formes graves pour diverses comme une prise en charge tardive. Bienvenue à cette édition. La mise en œuvre est assurée par Séraphine Hakidiman. Je venais de vous le dire dans le sommaire que les travaux d'aménagement des rives de la rivière Nahangwa sur le boulevard Moïse-Guissabo au niveau du pont de la République exécuté par l'agence routière du Burundi ont été suspendus il y a 4 mois selon le chef de chantier qui exécute ces travaux. Certains habitants de la localité de Kigobe, proche de cet endroit, souhaitent que ces travaux continuent pour éviter des dégâts qui pourraient impacter sur leur maison car cette rivière perd sa cour normale. Il demande aux responsables de ce chantier de le faire le plus vite possible avant la saison pluvieuse qui approche. Le point avec Jean-Marie Mayonk. Les travaux d'aménagement des rives de la rivière Nahangwa, du pont de la République sur la route boulevard Moïse-Guissabo, dès que tu arrives, tu trouves que les travaux étaient déjà bien démarrés et avancent bien dans une partie déjà aménagée. Aujourd'hui, le constat sur le terrain est que les travaux ont été suspendus à cause du manque de carburant, confirmation de Oswald Mahongiro, chef du chantier. Certains habitants résidant au quartier Kigobe, près de cette rivière Nahangwa, trouvent que les travaux d'aménagement des rives de cette rivière sont nécessaires, puisque les eaux de cette rivière, chaque fois qu'elle perd de la direction, menace les habitations et détruit l'environnement. Il signale également que les travaux d'aménagement des rives de cette rivière devraient être faits dans l'immédiat pour éviter les dégâts qui peuvent arriver quand ces eaux hissent les habitations de ce quartier. Le problème qui peut arriver est lorsque l'eau perd sa direction, envahit les habitations et les détruit, sans oublier les personnes qui sont aussi menacées. Dans cette localité, les maisons sont détruites par les eaux de cette rivière, le plus souvent dans cette partie. Il demande que ces travaux continuent pour que les eaux de cette rivière gardent sa direction tout en évitant les déviations qui peuvent causer d'autres dégâts. Ce qui devrait être fait comme nous le constatons ailleurs, par exemple à Mugoboka, où ils ont bien protégé les rives de cette rivière en utilisant les fers à béton. Aujourd'hui, cet endroit est bien aménagé. Même ici alors, qu'ils fassent de la même manière pour sa protection. Les travaux d'aménagement des rives de la rivière Nahangwa ont débuté au mois de mars en 2024 et devraient être achevés au mois d'octobre de cette même année 2024. Merci à Jean-Marie Mayonga pour tous ces détails. Au sein de l'agence routière du Burundi, l'on explique que le manque du carburant est la raison qui a fait que ces travaux soient momentanément suspendus. Oswald Mahungiro, chef de chantier, précise que les matériaux nécessaires sont disponibles et espère continuer les travaux car le carburant sera disponible. Il indique en outre que l'exécution des travaux est à 40% pour un délai de 8 mois. Une courte pause. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Page économie à présent, l'indice des prix à la consommation du mois de juin montre qu'il est de 19,4% alors qu'il était de 20,3% au mois de mai de cette année selon l'Institut national de la statistique du Burundi, Enes Bouansiglet. Malgré cette baisse, les prix des produits de première nécessité, dont les fruits et les produits de mer, et ainsi que les combustibles tels que le charbon, ont connu une hausse dès le mois de janvier de cette année. Le point avec Mireille Kanyang. Pour les produits alimentaires ayant enregistré une hausse, l'on citerait notamment les fruits avec une hausse de 39%, la viande de bœuf en hausse de 36,7%, les poissons secs avec 41,9% et les poissons frais en hausse de 29,1%. Selon toujours l'indice des prix à la consommation du mois de juin, les produits non alimentaires dont les prix ont augmenté, il y a notamment les combustibles en hausse de 25,6%, les bières au cabaret en hausse de 45,2% et autres boissons au cabaret en hausse de 47,8%. Il y a également les carburants et lubrifiants en hausse de 25,6% ainsi que le ticket de transport en hausse de 26,6%. Pour le mois de mai, cet indice des prix à la consommation était de 20,3% et il est chiffré à 21,7% pour le mois d'avril. Il était chiffré à 23,5% au mois de mars et au mois de février. Cet indice des prix à la consommation était de 25,1%, tandis qu'il était de 26,1% au mois de janvier. Eh bien, le document de l'INSB table l'inflation globale à 19,4% au mois de juin de cette année, alors qu'elle était de 26,3% au mois de juin de l'année dernière. Il est de 20,3% au mois de mai de cette année 2024. Ces prix à la consommation se présentent ainsi au moment où la Banque centrale a récemment annoncé que son objectif est de ramener l'inflation à moins de 10%. Place à l'éducation. Les prix du matériel ont sensiblement augmenté sur le marché. Une douzaine de cahiers de 100 feuilles qui s'achetaient l'année dernière à 28 000 francs chez les grossistes s'achètent actuellement à 35 000 francs bout. Les commerçants affirment que ce matériel leur coûte cher sur le marché d'approvisionnement et les acheteurs indiquent que la rentrée scolaire leur sera difficile. N'est-ce pas, Francine Ndokoukaj? Au marché communément appelé chez Sion en mairie de Bujumbura, une place est réservée à la commercialisation du matériel scolaire. Le prix de presque tous ces produits a été revu à la hausse, et plus particulièrement les cahiers. Les prix varient selon le type. Nous avons plusieurs sortes de cahiers, entre autres ceux dénommés Rukoko, dont le prix d'achat est élevé. Une douzaine s'achète à 35 000 francs pour des cahiers de 100 feuilles. Les autres sortes s'achètent à un prix variant entre 25 000 francs burundais et 30 000. De l'autre côté, le registre est passé de 12 000 à 18 000 francs burundais. Une calculatrice s'achète à 12 000 tandis que la boîte mathématicale s'achète à 4 500 francs burundais alors qu'elle était à 3 500. Le stylo 10 BIC s'achète à 1 000 francs burundais alors que son prix oscillait autour de 500 francs burundais. Cet espace où se vend le matériel scolaire n'est pas généralement fréquenté en ce moment. Les clients viennent un à un. Ce commerçant pense qu'ils vont venir surtout au cours de ce dernier mois de vacances. Les clients viennent généralement pour demander les prix du matériel. On leur fait des listes du matériel que nous possédons, puis ils y rentrent, nous promettant de revenir prochainement. Ceux qui ont déjà commencé à acheter des cahiers sont des Congolais, parce que chez eux, l'année scolaire commence très tôt. Les Burundais, on les attend au cours de ce mois d'août. Les acheteurs contactés n'acceptent pas de s'exprimer sur nos micros, mais affirment qu'ils ne sont pas sûrs de parvenir à envoyer leurs enfants à l'école vu la situation actuelle où les prix peuvent changer d'un moment à l'autre. Page sport à présent, l'organisation des compétitions en commençant par les championnats interscolaires. Et l'objectif est que la fédération d'athlétisme s'est fixée pour avoir de bons athlètes représentant le pays dans les championnats internationaux. Propos de Dieudonné Kwizera, président de cette fédération, se référant sur le pas franchi par les athlètes Francine Niomukundi et Jidena Kartimana qui sont arrivés en phase de finale des Jeux Olympiques de Paris en France. Il dénonce la crise politique de 2015 et la pandémie de la Covid-19 comme défi majeur au bon rythme d'athlétisme au Burundi, mais espère une bonne progression si rien n'empêche. On l'écoute. Pour que la Fédération d'athlétisme du Burundi se développe, la politique que nous avons mise en place depuis que je suis président de la Fédération d'athlétisme, il fallait d'abord chercher des sponsors. Parce que sans sponsors, vous ne pouvez pas organiser des compétitions. Nous avons eu des sponsors tant au niveau national qu'au niveau international pour pouvoir organiser des compétitions de détection de talents dans chaque province. Après les détections des talents dans chaque province, nous organisons des compétitions au niveau régional. Nous avons subdivisé l'athlétisme en 4 régions, sud, est, ouest et le nord. Alors ce genre de compétitions, on les organise dans le but de détecter des jeunes talents. La pépinière de l'athlétisme burundais se trouve toujours dans des écoles. Sans les écoles, sans la coordination entre les écoles au niveau provincial et la Fédération d'athlétisme du Burundi, l'athlétisme ne peut pas se développer. Les écoles primaires, c'est pour les cadets. Les écoles secondaires, c'est pour les juniors et seniors. Une fois à l'université, s'il n'est pas détecté comme athlète, tu ne peux pas le détecter au niveau universitaire. Donc, le programme que nous avons, qui a contribué à qualifier plus d'athlètes que les autres fédérations, c'est effectivement ce genre de détection des talents à partir des communes, provinces, régions et au niveau national. Mais malgré l'arrivée au final des Jeux Olympiques, pas de médaille. Quels sont les défis? Bon, l'athlétisme du Burundi a connu pas mal de problèmes, ce qui a fait que le rythme qu'on avait quand on était sur la scène internationale a été freiné par pas mal d'événements qui se sont déroulés au niveau national. Les meilleurs athlètes qu'on avait datent des années 1993. Vous savez ce qui s'est passé en 1993. On a connu une crise en 2015 jusqu'en 2020. Pendant cette période, les compétitions au niveau interscolaire ne marchaient pas très bien. On a connu un vide vraiment. Après 2015-2020, Covid est venu. Les défis sont là. Mais nous n'avons pas arrêté quand même à continuer à travailler. Raison pour laquelle on a eu des athlètes qui nous ont représentés au niveau des championnats du monde de cross, au niveau des championnats du monde sur route, au niveau des championnats du monde en salle et au niveau des championnats du monde de cross country. Maintenant, on est sur les rails. Raison pour laquelle on a pu qualifier quand même 4 athlètes au niveau de ces Jeux Olympiques de Paris. Nous nous réjouissons et nous pensons que nous sommes sur la bonne voie pour d'autres championnats qui vont venir d'ici peu. Dieudonné Kwizera est au micro de Merndouayo. Radio Isanganiro, chronique santé. Après la confirmation de la variole du singe, le traitement est généralement symptomatique. Le médecin dermatologue P. Nibiranhije rassure que la maladie guérit spontanément, mais avertit toutefois qu'elle peut se compliquer et entraîner de formes graves pour diverses raisons, comme une prise en charge tardive pour se prévenir ou limiter la propagation de la variole du singe. Il indique qu'il faut éviter le contact avec une personne présentant les signes de la variole du singe, dont les vésicules ou l'éruption cutanée. Chronique santé avec Ornella Mucho. La variole du singe peut être traitée et guérie spontanément. Le dermatologue P. Nibiranhije assure que même l'éruption cutanée peut disparaître et le patient peut retrouver sa peau. Il souligne qu'il est important que le patient respecte un isolement pendant toute la durée de la maladie, c'est-à-dire jusqu'à la disparition des dernières coutres. Le malade en question, on l'isole, on le met dans une chambre où on peut le traiter à l'aise. On va l'isoler pour que la personne X ne puisse pas contaminer les autres malades ou bien ne contaminer les membres de la famille. Et aussi, il faut que les médecins, le personnel soignant ne contaminent pas les autres membres du personnel. Les vésicules, après le traitement, peuvent disparaître. Les cicatrices peuvent disparaître. Les croûtes peuvent disparaître. Normalement, à la phase finale de la maladie, la personne peut avoir une peau qui est sèche. À ce moment-là, il y a des émollients, il y a des crèmes qu'on donne et la peau peut retrouver son état normal. Cette maladie peut entraîner des formes graves comme les complications neurologiques ou pulmonaires chez les personnes immunodéprimées ou chez les personnes qui se sont fait soigner tardivement. La maladie peut se compliquer. Peut y avoir méningite virale liée à cette maladie qui se manifeste par des convulsions. On peut avoir des manifestations respiratoires, pneumonie, car ça parle de détresse respiratoire, dyspnée, de la toux. Comment on peut avoir une atteinte oculaire? Des complications peuvent être liées soit au retard du traitement, peuvent être liées aussi au terrain de l'immunité de quelqu'un. Tu peux traiter très convenablement, mais les complications peuvent aussi survenir parce que l'immunité d'une personne varie d'une personne à l'autre. Se laver régulièrement les mains à l'eau propre et au savon en évitant le contact avec une personne présentant les signes de la variole du singe, ce sont des mesures préventives contre cette maladie, comme l'explique toujours le dermatologue Pi Nibira Nidji. Il faut se laver les mains régulièrement, tout le temps quand on touche les malades. Parce que les malades, on doit les toucher parce qu'on les examine. Deuxièmement, il faut porter des masques. Pour les personnes soignantes, doivent porter des masques parce que c'est une maladie contagieuse par des gouttelettes. Mais pour les gens, pour la population générale, il ne faut pas qu'ils se saluent, se serrer la main, s'embrasser, échanger les habits. Tout ça, ils doivent donc laisser tomber. Donc, respecter structureusement les mesures d'hygiène. Selon le site internet de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, entre le 1er janvier 2022 et le 19 juin 2023, dans le monde, 147 décès causés par la variole du singe ont été enregistrés. C'est sur cette chronique santé que se referme cette actualité. Merci de l'avoir suivi. Merci à Séraphine Hakizimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Nzikobananga. Bonne suite des programmes sur Sanganiro. Isanganiro.